Bonjour à tous, maison d'études avec ce matin l'essayiste Étienne Barillier, les écrivains face à Dreyfus. Monsieur Étienne Barillier, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous avez beaucoup écrit sur le thème de l'engagement littéraire ou autre, et vous publiez aux éditions Zoé, qui est une maison d'édition genevoise, une enquête qui est à cheval sur l'histoire et sur la littérature. L'histoire parce qu'il s'agit d'un retour que vous faites sur l'affaire Dreyfus, la littérature parce que vous étudiez dans cet essai comment les écrivains comme Zola, Proust, Martin Dugard, Anatole France ou Charles Péguy, mais aussi Barrès, ont pris en charge cette affaire dans leur œuvre de romancier ou de penseur, ajoutez-vous. On peut dire que l'affaire Dreyfus a suscité, et pas seulement en France, des milliers de livres dans le monde. Pourquoi revenir aujourd'hui sur cette page d'histoire? Qu'est-ce qui justifie ce retour? Je constate qu'on y revient toujours. D'ailleurs, ces jours-ci paraît le premier volume d'une nouvelle histoire de l'affaire Dreyfus, écrite par, je crois, Philippe Auriol. Mais pourquoi ? C'est un historien qui est très connu. Absolument. Pourquoi est-ce que cette affaire est toujours d'aujourd'hui ? Il me semble que l'individu face à l'arbitraire de l'État, c'est quelque chose qui nous touche toujours et aujourd'hui plus que jamais. Et en ce sens, à beaucoup d'égards, à beaucoup d'autres égards aussi, mais en ce sens, l'affaire Dreyfus est contemporaine. Et je vais vous dire, ce qui a déclenché pour moi l'envie d'écrire là-dessus, c'est très paradoxal, c'est un livre de Stefan Zweig, qui n'a rien à voir avec l'affaire Dreyfus au premier regard, sur Sébastien Castellion. Sébastien Castellion qui était cet humaniste réformateur qui s'est opposé au bûcher de Servais que Calvin avait décidé. C'est une affaire genevoise, précisément. Et Stefan Zweig a été très impressionné par ce drame, et il a écrit en faveur de Castellion, et notamment d'un ouvrage que Castellion avait écrit pour défendre la tolérance contre Calvin. Et cet ouvrage, soit dit en passant, il n'avait jamais été traduit, et il était écrit en latin, et je l'ai traduit, il est apparu chez le même éditeur il y a 5 ou 6 ans. Mais dans cet ouvrage, Zweig dit, le livre de Castellion, c'est le J'accuse du XVIe siècle. Et tout à coup, ça m'a impressionné, parce que je me suis dit, mais au fond, J'accuse, c'est... Avant la lettre, quoi. Avant la lettre, ouais. Exactement, et le J'accuse de Zola est... Tout ce qui a été écrit ou dit en défense de Dreyfus, c'est vraiment un acte d'humanité fondamental. Et ça restera toujours, toujours d'actualité. Vous voulez dire que l'affaire Dreyfus est finalement devenue une sorte de symbole de... Oui, enfin, il faudrait pas qu'elle ne soit qu'un symbole. C'est d'abord une affaire humaine et douloureusement humaine. Mais enfin, c'est aussi un symbole. Et je crois qu'elle n'est pas finie, mais peut-être que là, on anticipe. Justement, vous écrivez que nous vivons aujourd'hui encore les conséquences de cette affaire sans toujours le savoir. Oui, ça peut être pris dans plusieurs interprétations différentes, mais... Une des explications que je pourrais donner de cette formule, c'est que tout bêtement, l'État d'Israël, indirectement mais certainement, est une conséquence de l'affaire Dreyfus. Je veux dire par là que Theodor Herzl a assisté à cette horrible séance de la dégradation de Dreyfus en 1895 et... Il a été bouleversé par les cris de mort aux Juifs. Oui, et il l'a dit après coup, peut-être qu'il a simplifié sa propre trajectoire, son historien, mais tout de même, il a écrit après coup, c'est à partir de ce moment-là que je suis devenu sioniste. Et tout de même, c'est fort. Et donc, nous vivons les conséquences de l'affaire Dreyfus, ne serait-ce qu'à ce titre-là. Pourquoi ? On a souvent dit que l'affaire Dreyfus a marqué la naissance de cette chose, si j'ose dire, que l'on appelle l'intellectuel. Pour vous, elle va surtout contribuer à l'avènement de la laïcité et indirectement, vous venez de le dire, à la création de l'État d'Israël. Mais l'avènement de la laïcité. Oui, bon, s'il se trouve que l'Église catholique de France, sinon ses autorités, du moins ses prêtres et le journal des Assomptionnistes qui s'appelait La Croix, étaient parmi les plus antisémites qu'on puisse trouver, elle s'en vantait. Et l'antisémitisme religieux catholique était extrêmement virulent. À l'époque, La Croix jouait un rôle considérable dans le développement de cet antisémitisme-là. Oui, absolument, parce que c'était diffusé à je ne sais combien d'exemplaires. Et donc... le fait que l'affaire Dreyfus se soit terminée comme elle s'est terminée était lié aussi à cette volonté quand même qui s'est manifestée en France de séparer l'Église de l'État. Et donc, dans ce sens, oui, ça a été la naissance de la laïcité. Pourquoi Charles Péguy va considérer cette affaire? Il dit que c'est une affaire infinie. Cela veut dire quoi? Oui, bon, Péguy a une vision, qu'on peut dire, mystique de l'affaire. Nous allons y revenir, d'ailleurs, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui appellent un commentaire. Oui, absolument. Je dirais mystique pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, s'agissant du meilleur, Péguy a eu l'impression que la vérité, au sens le plus haut du terme, au sens à la fois le plus élémentaire et le plus haut, était en cause dans cette affaire Dreyfus. Et que dire cette simple phrase « Dreyfus est innocent », c'était à la fois un acte de grand courage et un acte de spiritualité. C'était parler pour la vérité alors qu'il était si difficile de parler pour la vérité. Alors, puisqu'on évoque l'attitude qui a été celle de Péguy, restons-y. Vous dites qu'il a voulu faire de l'affaire une cause exclusivement spirituelle et religieuse, et vous ajoutez une cause divine. Oui, Péguy a dit cette affaire est la culmination de trois mysticismes chrétiens, juifs et français. On peut bien sûr discuter de cette vision. On voit à quel point sa Jeanne d'Arc est une autre version, si j'ose dire, de son Dreyfus. Oui. Et à quel point il voulait refonder, recommencer le christianisme. Il voulait un nouveau Christ et il a voulu faire de Dreyfus un nouveau Christ, et du coup, bien sûr, comme Dreyfus n'était pas un nouveau Christ, Péguy, à un certain moment, on pourrait presque dire, s'est retourné contre Dreyfus en disant qu'il avait été inégal à sa tâche ou à sa dignité prophétique. Il a été déçu par les déclarations de Dreyfus. Oui, puis par le seul fait que Dreyfus a accepté la grâce, en fait, on la lui a fait accepter, c'est une histoire très, très complexe, mais après le procès de Rennes, donc il a été recondamné, normalement, il aurait dû retourner en prison. On lui a proposé la grâce et on l'a convaincu de l'accepter. Et du coup, Péguy a été déçu parce qu'il aurait voulu que Dreyfus restât un martyr. Mais au fond, dans toute cette affaire, ce qui était important pour lui, c'était la vérité. Il est vrai qu'il donnait à la vérité une interprétation, une valeur. C'était pour lui une valeur mystique. C'était une valeur mystique et où je trouve qu'il a le plus raison, c'est quand il dit que la simple vérité de fait peut avoir une valeur mystique. À telle enseigne que si un État prétend imposer un mensonge, la société tout entière va être gangrénée, va finir par s'écrouler. Est-ce qu'il n'a pas raison? Et il a raison. Et heureusement que la vérité a fini par s'imposer, je dirais heureusement pour l'État français, entre autres. Et là, sur ce point, Péguy a parfaitement raison. Alors on va passer en revue ce que furent les attitudes de certains écrivains. Et d'abord, une idée à propos de Zola, vous dites qu'il exprime à propos des Juifs une conception qui annonce celle que Sartre aura un peu avant la guerre, puisqu'il, pour lui, on est juif dans le regard des autres. Zola voilà. Déjà le pensait. Il va même jusqu'à écrire cette phrase dans un article qui s'intitulait « Pour les Juifs », qu'il a publié en 1896. « S'il y a encore des Juifs, c'est de votre faute, à vous, les antisémites. » Ce qui est insupportable, lu par un Juif, c'est littéralement, excusez-moi, mais je trouve cette phrase insupportable. Mais bien sûr, c'est c'est une S'il y a encore des Juifs, c'est parce que ils le veulent bien étrange, et ils se battent pour le rester. Et Dieu sait que ce n'est pas facile. Oui, oui. Mais alors, on pourrait signaler à ce sujet que Dreyfus lui-même, de façon très significative, sauf à un moment, juste après son arrestation, n'a jamais voulu dire que c'était parce qu'il était juif que toutes ces choses lui arrivaient. Mais parce que c'était un juif assimilé totalement. Absolument. La chose lui est tombée sur la tête comme un tsunami, une tempête. Mais oui, tout à fait. Mais c'est assez frappant de voir cette attitude qui a été la sienne, qui n'a pas du tout été celle, par exemple, d'un Bernard Lazare, qui était le premier à le défendre. Et Bernard Lazare a écrit à Dreyfus, vous êtes peut-être plus juif que vous ne le croyez. Et sans doute, forcément, c'était vrai. Qu'est-ce que Zola veut dire quand il parle de l'affaire Dreyfus comme d'une affaire pour écrivain? Il n'y voit au fond qu'une affaire romanesque. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne la prend prend pas à cœur et profondément à cœur. Il y a une ambiguïté chez lui ou une ambivalence. D'un côté, comme d'ailleurs le lui reprochera un peu Bernard Lazare, il y voit une belle histoire avec le méchant, le bon, la victime, et il s'enflamme pour ses personnages. Et donc ça pourrait paraître une attitude un peu superficielle, de romancier au mauvais sens du terme. D'un autre côté, il croit tellement à la vérité de ses romans, de ses propres romans, que pour lui, s'intéresser en romancier, ça veut dire s'intéresser en être humain au, à Dreyfus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve ceci qui est tellement extraordinaire, c'est Zola, lors de son propre procès, s'écriant « Que mes œuvres périssent si Dreyfus n'est pas innocent. Ouais. » Autrement dit, si je me suis trompé sur Dreyfus, ça veut dire que toute mon œuvre, je me suis trompé. Donc je suis un mauvais écrivain si je vois pas la réalité. Entre parenthèses, il m'arrive de me demander quel aurait été le sort de l'écrit, de la lettre de Zola, si Clemenceau n'avait pas transformé lettre ouverte au président de la République par un « j'accuse ». J'accuse. Et on peut ajouter encore que l'anaphore du « j'accuse, j'accuse, j'accuse » a été reprise, je dirais pas prise, mais reprise. Vous le racontez. Par Zola, à Bernard Lazare. À Bernard Lazare. Qui lui-même d'ailleurs l'a peut-être prise chez Heine. Là, il y aurait vraiment une étude extraordinaire à faire qui, au terme de laquelle on prouverait peut-être que Heine est l'auteur du J'accuse. En tout cas, il est certain que ce titre a joué un rôle extraordinaire dans la diffusion de dans de sa brièveté et dans sa force. Interpellative, si j'ose dire. Oui. Tout le monde s'accorde à dire, d'ailleurs, que ce J'accuse contenait des inexactitudes, des imprécisions, ne visait pas toujours juste, visait parfois même, franchement, à côté. Mais, l'important, c'est... Enfin, un académicien, au soir de sa vie, qui n'a rien à gagner dans cette affaire, au contraire, qui a tout à perdre, qui s'engage. Ah, attendez, c'est... Zola, il n'était pas académicien. À l'époque. Il a toujours cherché à l'être. Oui, il n'était pas encore. Il n'a jamais été. Sauf erreur, il n'a jamais été. Il l'a cherché toute sa vie, mais il n'a jamais été. En revanche, alors, l'académicien qui a risqué sa réputation, c'est Anatole France. Anatole France, oui. Alors, Anatole France, vous rappelez à son propos qu'il va déclencher un débat chez les socialistes de l'époque sur le thème « Fallait-il, oui ou non, se préoccuper de Dreyfus ?» Oui, c'est extraordinaire quand on y pense maintenant. Mais il y avait une tendance socialiste qui était, on appellerait les guédistes, les partisans de Jules Guéde, qui disait « L'affaire Dreyfus, c'est une affaire entre bourgeois, ce sont les bourgeois qui règlent leur compte, il ne peut pas y avoir d'injustice d'un bourgeois contre un autre bourgeois, donc on ne s'occupe pas de sauver des victimes bourgeoises. » Et heureusement, il y avait une autre tendance qui est incarnée par Jaurès en particulier, qui a consisté à dire non, le socialisme c'est la justice. Et à ce propos, vous avez une très belle formule, vous dites que pour Drumont, Maurras et Barrès, Dreyfus était coupable à cause de sa race, mais pour certains socialistes, il l'était à cause de sa classe, c'est ce que vous ajoutez qui me paraît important. Dans les deux cas, une obsession se montre plus forte que l'exigence de justice. Je trouve que c'est très bien dit. Merci, mais ça me semble évident que l'idéologie, mais justement plus que l'idéologie, une passion qui devient obsessionnelle, que les choses soient comme ça et pas autrement, aveugle des gens pourtant intelligents, qui devraient être intelligents, qui devraient avoir l'esprit critique. Que peut-on dire de l'attitude de Barrès? Moi, ce qui me frappe chez Barrès, c'est une attitude insupportable, odieuse. Son anti-dreyfusisme est fondé sur une exclusion véritablement insupportable. Et une obsession aussi. Et une obsession. Mais ce que je trouve insupportable, c'est qu'au fond, il est anti-dreyfusard parce que les juifs ne sont pas des humains. Ça va jusque-là. Mais justement, je le sauverai, et je me dis que c'est sa qualité d'écrivain qui peut-être l'a sauvé contre lui-même, parce qu'à un moment donné, voyant Dreyfus au procès de Rennes, voyant cet homme supplicié, cet homme amaigri, cet homme vraiment dans un état affreux, il se met à sa place et il parle d'une boule de chair vivante et broyée. Formule magnifique qui a impressionné même les Dreyfusards et qui l'ont reprise à leur compte. Tout à coup, Barrès devient humain. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il n'a jamais écrit de roman qui met en scène Dreyfus alors qu'il a écrit le roman de l'énergie nationale sur toute la vie politique de ces années-là. Mais à mes yeux, c'est parce que on écrit des romans que si ces personnages sont des êtres humains. Si on considère que Dreyfus n'est pas un humain, on ne peut pas, en effet, écrire un roman sur lui. Mais, heureusement, il y a eu un moment où Barrès, et d'ailleurs Léon Blum le signale aussi dans ses souvenirs sur la ferme, écrit beaucoup plus tard, il dit un jour, Barrès est venu me voir, puis il m'a dit peut-être que je me suis trompé quand j'ai dit que je voyais un traître en face de moi lors de la dégradation. Peut-être que j'ai tout mal interprété. Mais il ne l'écrira jamais. Mais il ne l'écrira jamais. Il ne l'écrira jamais, c'est Léon Blum qui l'a écrit. C'est parce qu'il est prisonnier du milieu littéraire auquel il appartient ou... Oui, et puis prisonnier de son idéologie, de ses convictions nationalistes et racistes, il faut quand même bien le dire. Sur ce point, il est, je vous le dis, il est et reste insupportable. Romain Rolland, lui, est au-dessus de la mêlée. Pourquoi ? Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il oui, faut il dire. Voulu l'être. Oui. Oui, c'est très très ambigu la position de Romain Rolland. En effet, plus tard, lors de la Première Guerre mondiale, comme chacun sait, il a voulu être au-dessus de la mêlée. Ça ne lui a pas tellement réussi. Mais déjà, au moment de l'affaire Dreyfus, il prétendait qu'il y avait des braves gens des deux côtés. C'est sa propre expression, des braves gens des deux parties. Donc, il a voulu. Il dit même qu'il y a que chacune des deux parties a raison, voilà. A raison partiellement. Voilà, que au fond, les Dreyfusards, eh bien, ils veulent défendre un homme, et puis, éventuellement, un corps religionnaire, si c'est des Dreyfusards juifs, et puis les anti-Dreyfusards, ils veulent défendre la patrie. La patrie. Et, or, c'est évidemment une aberration totale, et là, la réponse de Peggy est très bonne quand il dit que même quand on veut défendre la patrie, on ne doit pas mentir, et encore moins condamner un innocent. Moi, je me suis demandé, me suis posé la question de savoir si cela ne venait pas du fait qu'il avait épousé une juive, Romain Rolland avait épousé une juive, et qu'il fallait donc qu'il donne d'une certaine façon un certain nombre de... Comment gage. Dire de gage. Et alors, cela n'empêchait d'ailleurs pas de dire, pique pendre des juifs, anarchistes violents et destructeurs, des sémites qui crachent l'injure contre la France, une race parasite, qui ronge la France. Ah oui, c'est tout à fait à frissonner ce qu'il a pu écrire. Et effectivement, quand on pense qu'en plus, il était l'époux de Clotilde Bréal, fille du linguiste Michel Bréal, cela vraiment laisse très songeur. Est-ce qu'on a une idée de ce qu'a été la réaction de son épouse, justement ? Alors, je ne l'ignore personnellement, je ne sais pas si on la connaît, mais on peut se l'imaginer peut-être. Enfin, c'est... Alors, puisqu'il s'est voulu au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire il prend pas position, vous dites qu'il est suspect à la fois aux uns et aux autres. Oui, parce que donc il a écrit une pièce de théâtre assez étrange qui s'appelle Les Loups, et qui en fait se passe, qui est censé se passer lors d'un épisode de la Terreur, enfin en pleine Révolution française ou dans les suites de la Révolution. Mais ce sont des personnages à clé, tel ou tel personnage, c'est le colonel Henri, tel autre c'est le colonel Picard et tel autre c'est Dreyfus. Donc il a voulu aussi se cacher derrière des personnages d'une histoire plus ancienne, mais personne n'a été dupe, et au fond, il a mécontenté tout le monde. Venons-en à Roger Martin Dugard. Vous dites que lui veut montrer que la vérité, c'est une formule qui est polyvalente, elle vaut par tous les temps, que la vérité est du côté du savoir et non du croire. Oui. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que Roger Martin Dugard a introduit l'affaire Dreyfus dans un roman dont ça n'est pas le sujet principal, mais disons c'est un des sujets principaux. Le roman, c'est quand même l'histoire de Jean Barrois, c'est-à-dire d'un homme qui passe de la foi à la raison et qui va retourner à la foi par terreur de la mort dans ces dernières années. Et au milieu du roman, enfin le deuxième tiers du roman, c'est Jean Barrois et l'affaire Dreyfus. Et pour Jean Barrois, l'affaire Dreyfus est une sorte de pierre de touche de sa vision du monde. Et s'il est si profondément déçu après le procès de Rennes, Jean Barrois, alors même que on pourrait dire Dreyfus a été gracié, ça n'est pas si mal en attendant la réhabilitation. Non, s'il est si déçu, c'est qu'il voit bien que la raison n'a pas triomphé même à ce moment-là. Et il est vrai que beaucoup de Dreyfusards étaient plus que mortifiés après le procès de Rennes, et on les comprend. Alors Roger Martin Dugard fait donc de Jean Barrois un personnage qui vit de très très près l'affaire Dreyfus, qui est même très proche d'un personnage qui s'appelle Marc-Élie Luce dans le roman, mais qui est en fait Scherer Kestner, ce sénateur alsacien protestant, qui a été un des premiers défenseurs aussi de Dreyfus. De Dreyfus, oui. Et Barrois, donc, au fond, voit dans le procès de Rennes la défaite de la raison. Et cette défaite, il va en quelque sorte y concourir à son tour quand il sera plus âgé et qu'il va retomber dans les bras de la mère Église. Mais enfin, c'est un autre problème. C'est très intéressant de voir que pour Martin Dugard, et c'est l'affaire Dreyfus, c'est entre autres la pierre de touche de la raison contre, enfin de ce drame de la raison contre la passion. Qui est-ce qui va gagner? Mais d'une certaine façon, c'est bien vu. C'est malheureusement bien vu. Et là, ça m'amène alors à Anatole France qui a écrit une formule que je trouve tellement extraordinaire. La postérité n'est équitable que si elle est indifférente. Sous-entendu... C'est une belle formule. Oui, c'est admirable. Sous-entendu, on passe d'une passion à une autre. Et ce n'est pas parce qu'on a compris une erreur qu'on en revient, c'est parce qu'on a oublié son erreur et qu'on la remplace, hélas, par une autre, tout aussi passionnelle. Je me rends compte qu'on n'a pas dit un mot de Proust. Quelle fut son attitude? Proust, c'est quand même le plus grand, une fois de plus, à tous les égards. On pourrait dire qu'il y a deux Proust. Il y a le Proust de Jean Santeuil, qui est celui qui a vécu le procès Zola, notamment de tout près, qui a assisté au procès Zola et qui fait assister Jean Santeuil au procès Zola. Et il y a le Proust de la Recherche qui écrit beaucoup plus tard. Et apparemment, les deux se contredisent. Je ne sais pas si j'ai le temps de dire. Oui, absolument. Dans Jean Santeuil, le personnage de Picard est une sorte de héros, comme il le sera aussi un peu pour Anatole France. Picard, qui a été l'un des premiers dans les rangs de l'armée à reconnaître que Dreyfus était innocent. Et on voit que Proust se décrit lui-même en Picard. Il voit la recherche de la vérité au prix de la souffrance, de la prison en l'occurrence, par Picard, sur le même plan que la recherche de la vérité et de la justesse chez l'écrivain. Donc il nous décrit Picard en philosophe et en écrivain, et il s'assimile à Picard. Donc être Dreyfusard, je dirais presque, si je en a raccourci peut-être excessif, pour Proust, c'est être écrivain. Bien sûr que dans un deuxième temps, les choses changent un peu, elles ont même l'air de changer énormément. Proust prend beaucoup de distance avec l'affaire et il devient dreyfusologue, comme je dis. Il essaye d'étudier comment, pourquoi les gens ont été dreyfusards ou anti-dreyfusards, et c'est assez ravageur son analyse, parce que finalement les dreyfusards comme les anti-dreyfusards, ou presque autant, semble presque toujours l'avoir été pour de mauvaises raisons, pour des raisons sociales, pour des raisons passionnelles. Au point qu'à la fin, on se dit, mais Proust est vraiment un sceptique, presque un nihiliste. À un moment donné, il dit, les écrivains, d'autres écrivains que lui, au lieu d'aller à l'essentiel qui est la recherche de la sensation la plus profonde et la plus mystérieuse, la petite Madeleine, se sont occupés de défendre la patrie ou de défendre l'innocent, de l'affaire Dreyfus, il dit même. Comme s'il condamnait soudain les écrivains qui parlent de l'affaire Dreyfus. Mais je crois qu'il n'en est absolument rien. C'est-à-dire qu'au fond, la démarche proustienne, qui est justement d'aller à la vérité la plus profonde et la plus subtile, c'est aussi la démarche dreyfusiste, c'est-à-dire celle qui va à la vérité de Dreyfus, finalement à son innocence. Et je suis sûr que la sensibilité et l'intelligence hors pair de Proust lui ont permis tout de suite de comprendre la vérité, c'est-à-dire l'innocence de Dreyfus. Mais vous parlez à un moment donné de l'ironie de Proust, dont vous dites au demeurant qu'elle est celle de Socrate. Oui, il se trouve que Proust compare aussi Picard à Socrate. Il dit c'est un philosophe comme était Socrate, au sens où Socrate fait un raisonnement au terme duquel il doit, lui, Socrate, mourir. C'est Il fait quand même ce raisonnement. D'autre part, alors, l'ironie socratique, c'est toujours beaucoup plus que l'ironie. C'est justement une façon d'aller au-delà des vérités partielles que les gens croient détenir vers une vérité plus profonde et plus réelle. Comment expliquez-vous, Étienne Baridier, que 30 ans après l'affaire, en 1930, on a continué, au mépris de la vérité, à remâcher les vieilles injures de jadis? Et pire encore, on a repris les formules mêmes qui étaient celles de Maurras ou de Barrès, ou alors de la libre parole de Drummond, contre Dreyfus. On a repris les mêmes formules pour raconter l'affaire Dreyfus. Et quand je dis « on », c'est hélas Bernanos, notamment dans « La grande peur des bien-pensants ». Je dois quand même dire que Bernanos, heureusement, a changé par la suite, ce qui est tout à son honneur, un peu comme Mauriac, enfin encore Il revenait de plus loin encore comme différemment, oui. Mais dans La Grande Peur du Bien-Pensant, on est saisi, abasourdi de voir qu'il reprend exactement les injures et les mensonges qui étaient... Mais comment expliquer cela? Est-ce que ça signifie qu'au fond, le fait que Dreyfus ait été déclaré innocent ne tirait pas à conséquence et que... C'est ça, c'est que de nouveau, l'idéologie ou la passion voulait que Dreyfus fût coupable, un point c'est tout. Et cela restait vrai 30 ans après, c'était un point de dogme en quelque sorte. Et c'est dans ce sens que je dis que l'affaire alors est aussi prémonitoire de ce qui a pu se passer par la suite, c'est que l'usage... répéter du mensonge, alors même que ce mensonge a été avéré depuis longtemps, eh bien ça continue. Le protocole des sages de Sion, qu'est-ce que c'est? C'est ça. On continue, ici ou là, à présenter le protocole des sages de Sion comme une vérité, alors que cela fait 100 ans que cette affaire a été démontée. Mais pourquoi? Ben parce que on se met au service d'une idéologie, vous savez laquelle. D'ailleurs, à la fin de votre livre, vous notez, je dois dire que je suis tombé sur le derrière, si j'ose m'exprimer, vous notez tristement qu'en 1994 encore, le service historique de l'armée de terre écrivait « L'innocence du capitaine Dreyfus est la thèse généralement admise par les historiens ». Cette formule laisse entendre qu'il peut y avoir d'autres thèses. Oui. Il y a une thèse face à une autre thèse. Voilà, vous choisirez. C'est pas... Comment expliquez-vous ces espèces de dérives et de... Il faut ajouter que l'auteur de cette phrase a été muté et il y a eu des conséquences tout de même à cela. Mais je pense... C'est le moins qu'on pouvait faire. Absolument, oui, c'était le moins. Ce que je pense, mais là je m'avance sur un terrain où je ne m'y connais pas, il s'agit de l'armée française. Mais je pense que dans les rangs de l'armée française, il a été extrêmement difficile, même des années après, de reconnaître le crime commis. Et probablement que c'est lié à ça. C'est une défense corporatiste, si j'ose dire. Mais au fond, vous ajoutez aussi que dans le quid, on trouvait à peu près la même formule que celle qu'on vient de citer du service historique de l'armée de terre. Oui, on trouve, et dans d'autres textes encore que je cite, comme ça, plus ou moins subrepticement, on nous laisse entendre que, bien sûr, il a été déclaré innocent, mais enfin, n'est-ce pas, les choses peut-être sont un peu complexes. Et là, je trouve que l'attitude postmoderne a joué aussi un assez vilain rôle. Le postmodernisme qui consiste à dire que toute thèse n'est qu'une thèse, en face d'une autre. Et finalement, les faits, les vérités, ce que Peggy appelait la vérité de fait, qui est quelque chose qui est un roc, eh bien cela, on essaye de le dissoudre. Étienne Marillier, en quoi tous ces écrivains vont se retrouver et se rassembler, au fond? Tous se rassembler, dans le sens où tous ils auront une maille à partir, si j'ose dire, avec cette affaire Dreyfus. Tous ils se seront révélés, je dirais, au travers de cette affaire. Ils ne se rassembleront pas tous au sens où Barrès et Proust restent quand même aux antipodes. Hein. Je ne pense pas qu'on puisse les rapprocher. Trouver un dénominateur commun entre eux. Mais, c'est ça. Mais disons, il y a le dénominateur, c'est l'affaire Dreyfus et c'est ce crime d'État face auquel des écrivains doivent prendre position. Et pas seulement des intellectuels, des écrivains, c'est ce qui m'intéressait. Les intellectuels, bien sûr, ont eu un rôle capital, qui était de dire la vérité, justement de faire marcher leur esprit critique. Les écrivains, eux, ils incarnent autant que possible cette vérité, ils la font vivre, et dans ce sens, leur rôle est irremplaçable. Alors, il reste une dernière question, monsieur Barillier, et c'est à propos d'une formule que vous utilisez tout à fait à la fin de la conclusion que vous donnez à ce travail. Vous dites que l'affaire Dreyfus vous semble inaugurer la modernité. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et si je me souvenais exactement de mon état d'esprit quand je l'ai écrit. Mais disons, je crois que c'est un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir que la création d'un mensonge d'État me semble une nouveauté, hélas, qui remonte à l'affaire Dreyfus, et que cette nouveauté a été reprise et multipliée aussi bien par le nazisme que par le stalinisme au XXe siècle, et que la lutte de la vérité contre le mensonge d'État, c'est la lutte moderne, si je puis dire, et ça l'est encore aujourd'hui, bien sûr. Vous voulez dire au fond qu'une affaire Dreyfus aujourd'hui est encore possible ? Oui. Oui, bien sûr. Et chaque fois qu'il y a d'ailleurs qu'un innocent est sacrifié à la raison d'État, il y a une affaire Dreyfus, disons, métaphoriquement en tout cas. Mais l'affaire Dreyfus même, dans un sens non métaphorique, est peut-être hélas possible. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Maison d'études et notre invité ce matin était l'écrivain Étienne Barillier à propos de son livre « Ils liront dans mon âme, les écrivains face à Dreyfus » publié aux éditions Zoé qui sont, je vous le rappelle, des éditions genevoises. Équipe de réalisation ce matin, Bruno Sourcy et Victor Malgrat.